à l'horizon. Mais doudou, nous pas qu'à parler. Coco Tièvre, qu'à discuter. Oh, oh, oh. Yo pe pa piche yo, kade spektak la. Sole la ka chofe, lanme la. Sou sole, ani Pas dit, j'en dis, pour nous profiter, dit.